J'ai jamais eu les pieds sur terre. Voyage aux limites de l'imaginaire, aux frontières du réel. Perdu dans le vide interstellaire ou perché dans le ciel. Aux confins d'une planète ou dans un autre univers. Je suis loin dans la tête, je ne veux plus avoir les pieds sur terre. Mon destin se confirme car j'ai coupé ses rênes. Si je devais être quelqu'un, bah je me couperais les veines. C'est sans limite que tu peux ne pas compter sur moi. Si je l'évite, c'est comme mes pieds, je n'ai aucun poids. Tellement loin, loin sans le joint ou sans la cuite. Dans ma tête c'est pas un rond-point. Je prends la fuite, qui connaît la suite. L'esprit en apesanteur, j'ai vu le futur. C'est un putain de menteur à notre poursuite. La réalité fait peur, pour ça qu'on s'en éloigne. Pour ça qu'on soigne à coups de planteur et de Marie-Jeanne. Pour ça que tout le monde blâme mais n'est pas à la hauteur. Se crache à l'atterrissage et se noie dans la peur. Bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, Mystic Space. Bloqué dans la tête ou dans le blizzard. Sur une autre planète au milieu de nulle part. Perché, perché, perché, voilà mon exutoire. Bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, Mystic Space. Bloqué dans la tête ou dans le blizzard. Sur une autre planète au milieu de nulle part. Perché, perché, perché, voilà mon exutoire. Bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, bizarre. Mystique, mystique. Jamais eu les pieds sur terre. L'imagination n'a pas de limite et dans ce monde c'est ce que j'évite. Faire attraction de ce qui mérite et faire attention à ce qui mérite. Je veux rester perché au sommet. À force de rester terre à terre, plus moyen de décoller. Trop tard, je suis autre part, c'est le départ pour un autre art. Le mode planage, je me mets à l'écart. Je suis là-haut, la tête dans les nuages. Je suis oiseau qui a ouvert sa cage. Pour le moment ici bas, c'est plus mes histoires. Et pour prendre le vent, j'ai dû voler les ailes à Icar. Ce monde est décevant, j'ai besoin de calmant. Pouvoir dire décemment comment je m'en prends le des gens. Puisque le dur débranché, déconnecté. Plus rien à donner en toute honnêteté. Je suis pété, je m'en moque, va te faire têter. Je choque, j'ai plus d'idées comme mes Pollocks, je suis vidé. Bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, Mystic Space. Bloqué dans la tête ou dans le blizzard. Sur une autre planète au milieu de nulle part. Perché, perché, perché, voilà mon exutoire. Bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, Mystic Space. Bloqué dans la tête ou dans le blizzard. Sur une autre planète au milieu de nulle part. Perché, perché, perché, voilà mon exutoire. Yet, un nouveau panorama. Je prends la poudre des scampettes. Hasta la vista. Yet, un nouveau panorama. Je me suis mis tellement de race que je reviendrai pas. Bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, Mystic Space. Bloqué dans la tête ou dans le blizzard. Sur une autre planète au milieu de nulle part. Perché, perché, perché, voilà mon exutoire. Bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, Mystic Space. Bloqué dans la tête ou dans le blizzard. Sur une autre planète au milieu de nulle part. Perché, perché, perché, voilà mon exutoire.